encore des grands princes de Musette, c'est leur voilà. Même si t'es tes meurs, voilà. Je vous dis tes meurs, voilà. Je te donne rencard sur Piri, va ne pointe pas sur le chrono. Depuis que tu défends tes solos et les MC font des chronos. Va te nique pas, je suis tout relax dans le glace. Je mets pieds sur la table, en gros, je vous mets Air Max dans le glace. Demande-toi, 2007, tu fous la merde dans le cas. Ça fait quoi, ça fait perds ton regard, t'as perdu Sofiane pour ouvrir la bouche. Qu'il en passe trembler, pas de ceux qui sont pas semblés. Tu t'aimes qui va rassembler, déjà tu vas pas sembler. Je fais pas ce qui m'a pas semblé. Nécessaire comme dans la rue, sans bras et qui n'a pas semblé. Même si t'es mort, comme un concert sans lieu, tant mieux. Dans le rap mesquine, plus transparent que les skins en banlieue. 30 mesures en place à déguster, sous une cagoule. Raison, plein de perte pour protéger mon baboule. Disons que j'ai boule en mode choc, ma, bloc, ma. Tu sais pas des blocs dans une fumée sans te rock, ma. Ciblé par des clocks, non, plus vendu. Écrit vendu, finir pendu. Sauf qu'un en place, tant que les élus risquent le trône. Veux pour guerre sur un couplet, que j'ai derrière une liste de cons. Disons que ça t'a vu quand les petits cognes ou la mettre feu. Si je veux savoir ce que BC t'y donne, joue la net feu. 150 dans le chargeur, et qui est la tortue. Si j'y parle premier club team, des productions not beat. J'ai fait mentir puis qui disait qu'il mec était mieux qu'un. Ah va sentir le whisky, rendez-vous, tu mets tes requins. Bref, on est tous au départ, la rue vise les gros départs. Tu fais le chemin, je le vois d'ici frérot, c'est trop départ. Poliakov, Campbell, pas des nœuds, on sert de Jack. Tu veux niquer le plan, t'es plus le jeu que mon verre de Jack. Moi j'aime quand les rappeurs font pas de ciné. Tous les rentrées sont terminées comme le terrier ont terminé. C'est mon intro, c'est que je repère sonneur. Fais-moi de la place et porte le rond, je suis pas ton frère connard. Quitte ta mère si tu sais pas nager. J'ai si peu de chance de finir cravagé. J'en ai déjà l'expérience et l'esprit ravagé. Et j'ai mis tour quand les poucards dans le faux. Tu penses que je reviens et là